nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et... il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Amen. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Amen. Il a reçu le nom qui surpasse tous les noms. Il a reçu le nom qui surpasse tous les noms. Il est sorti vainqueur du plus profond de la terre. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et... adorons Jésus, il y vend son nom. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Amen. Adorons Jésus, il y vend son nom. Quand je me souviens de l'amour. Venez, on va danser à la gloire de l'Éternel. Venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, venez, on va louer Dieu, on va louer Dieu, louer, louer, louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu, danser, danser, danser, danser, danser, on va louer, on va louer, on va louer, on va louer, on va louer, on va gaspiller à la gloire de l'Éternel. Louer. Hey!